bonsoir, et y'a pas lapin zé. Jackie demande à sa mère d'y aller. Oui, oui, mon fils, tu peux aller danser. Oui, mais surtout, ne rentre pas trop bout trop tard. Jackie, du coup, prend le car à Saint-Paul. On annonçait une soirée rock'n'roll. Il a repéré une petite de Santec. Ça gaze. Car pour draguer, c'est pas un guinawek. Tout le monde en piste, en virée. La lune est belle et tout peut arriver. Tout le monde en piste, en virée. Ce soir c'est sûr, on va bien s'amuser. 9h30 et le parking est plein. Jojo la frite se frotte les mains. Tiens, v'là le quart des T-News de Morlaix. Y'aura du rose, en tout cas ça promet. Jackie a mis ses habits du dimanche. Faut être propique, sinon t'as aucune chance. Tiens, regarde un peu ce divalise de Jeannot. Il a oublié d'enlever ses pinces à vélo. Tout le monde en piste, en virée. La lune est belle et tout peut arriver. Tout le monde en piste, en virée. Ce soir c'est sûr, on va bien s'amuser. Hey. Jackie, tu vois, c'est pas le mauvais gars. Un petit coup, il te refusera pas. Ben non. On boit un verre avec Pierre, Jacques et Paul. Et la soirée passe à une allure folle. Où a filé la petite de Santec? Elle est partie avec un grand skill fake. Tant pis, faut pas en faire un pataquès. Ce soir y'avait que des nanas plouquesses. Tout le monde en piste, en virée. La lune est belle et tout peut arriver. Tout le monde en piste, en virée. Ce soir c'est sûr, on va bien s'amuser. 2h du mat, faut rentrer dans la nuit. Jackie trouve pas où est le cartangui. Et ce Squarniac prend celui du Trégor. Il s'est trompé et en plus il s'endort. Oui, avec sa prune. Sur la corniche, avec tous ses virages, Jackie est mal comme dans un naufrage. Quand tout à coup il a dégobillé en plein sur Malou, la nénette a rogé. Au Madou et Béniguette, au Pâques et Glanec, ben il a fait assez. Écoutez, chers amis, la suite de ce feuilleton qui passionne déjà toute la région. Ce sont les flics qui l'ont ramené du coup. Eux qui rentraient d'un contrôle bignou. Ils ont secouru un gars qui était tombé en plein dans la vase en face de l'eau quénolée. Moi je l'aurais laissé. Tout le monde en piste, en virée. La lune est belle et tout peut arriver. Tout le monde en piste, en virée. Ce soir c'est sûr, on va bien s'amuser. Tout le monde en piste, en virée. La lune est belle et tout peut arriver. Tout le monde en piste, en virée. De ce temps-là, les jeunes savaient s'amuser. Dagousquette.